check. J'crois que j'arrive sur cartilage, ça embrûle même quand c'est de l'air frais. J'sens ma colère qui frappe à la porte, pousse comme si c'était de l'air baisse. Ok, souvent j'ai l'air bête, mais j'sais très bien de quoi tu baffes. Jouer l'idiot, c'est bien plus simple qu'entrer dans vos débats. Mal capté depuis le départ, aucune épargne, sur le compte y'a plus que des débiles. Des fois qui me parlent, les chances c'est quoi qu'on j'perçois plus que des débiles. Bonheur à crédit, j'capte qu'on est que des chiffres à l'écran. Qu'est-ce qu'il ferait les grands? J'pense qu'à l'époque ça tartait les cons. Ouais, ça brûle comme du 300 tâche, gros j'bois sans soif. J'm'empoisonne soit, prends pas soin de moi et tous mes proches y casquent. À ce qu'il faut que j'pète un projet, l'inspire le muse, voilà l'année prochaine. J'me détruis quand j'écris, ça muse comme si que j'encaisse un crochet. Dévoré de l'intérieur, demain n'a rien de meilleur et merde, faudrait que j'émerge. La tête sous l'eau, tous disent qu'il me faudrait de l'air. J'ai tout ma claire, puis j'pars au taf. Gros j'me bute à la tâche, ouais, c'est pas demain qu'on va tourner la page. C'est fou comment les tours m'en parlent. C'est les seuls qui ne mentent pas, je voudrais recolorer cette arme noire, putain. C'est pas de ma faute si ça va mal, je suis pas le clown Zavada. Je me maquille pas de sourire pour faire semblant d'effacer cette blava. C'est fou comment les tours m'en parlent. C'est les seuls qui ne mentent pas, je voudrais recolorer cette arme noire, putain. C'est pas de ma faute si ça va mal, je suis pas le clown Zavada. Je me maquille pas de sourire pour faire semblant d'effacer cette blava. Où est-ce que c'est moi? Où est-ce le monde qui est de plus en plus faux? Qu'est-ce que j'en sais? Forcer ça sert à quoi? La déprime mène à boire, la bonne foi se broie. Je crois que je suis la proie de mon nom dans ce purgatoire. Je suis pas ce castable, j'attends que ça stasse pendant que tout m'étastase. Ouais, ouais, casse-toi, l'espoir m'a flingué plus que la droite du battre. J'ai compris qu'faudra s'y faire, vivre avec et non passif. J'ai fuite de casse, allumette, craque et faut de l'espace. Là, je vais les charrer, hein. Je fais le sourd, mais dans le fond, j'entends tout. Leur lyrics pue la merde en outre. Je préfère boire la tasse en soute. Je m'en tape peut-être bien, je veux juste qu'on me laisse éclater, je parle pas. Je suis dans une routine métro, boulot, billard, dodo, mal stable. Y'a pas de massage, juste plus de massa. Comment ne pas faire de massage? Trop de cauchemar crade, les attraperai, finissent cramer chaque mat. C'est fou comment les tours m'en parlent. C'est les seuls qui ne mentent pas. Je voudrais recolorer cette arme noire, putain. C'est pas de ma faute si ça va mal, je suis pas le clown Zavada. Je me maquille pas de sourire pour faire semblant d'effacer cette blava. C'est fou comment les tours m'en parlent. C'est les seuls qui ne mentent pas. Je voudrais recolorer cette arme noire, putain. C'est pas de ma faute si ça va mal, je suis pas le clown Zavada. Je me maquille pas de sourire pour faire semblant d'effacer cette blava. En vrai les gars, je suis prisonnier dans une cabine là. Je sais pas trop ce que je fais. Y'a un mec qui me séquestre tant que je fais pas des dédicaces. Donc je vais parler de Nerda, d'Outam. Parce que on a construit un projet qui s'appelle Âme Noire. Y'a plein d'autres beatmakers que tu peux retrouver dessus. Bordeaux, soutien ça sec. Ça va casser des têtes.